a commandé le vent, le ciel, les cieux, les océans, mon enfant. Commander la terre, les dieux, les hommes et les rivières, mon enfant. Tu seras d'or ou de diamant, de pierres précieuses ou même d'argent, mon enfant. Tu seras rempli de lumière, sauras écouter mes prières, mon enfant. Quand arrivera le temps, tu connaîtras très bien l'enfer, l'amour, la guerre, mon enfant. Tu connaîtras aussi les arts, les sciences, la beauté et la gloire, mon enfant. Tu seras fort, seras géant, seras grandiose, intelligent, mon enfant. Tu n'auras pas peur de la mort, ni même de ces jeteurs de sort, mon enfant. Quand arrivera le temps, t'arrivera le temps. Je me fais des idées sur toi, c'est ainsi. Quand les dés seront jetés, je t'apprendrai la vie. Tu seras fragile comme le ver, tu voleras loin de la terre. Tu ne seras peut-être jamais plus grand que ces paroles chantées au vent. Mais tu sais qu'en moi restera, je suis près de toi, mon enfant. Et que jamais on ne saura comme j'aimerais te voir vivant. Repartira le temps.